les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Elle est devenue chanteuse presque par hasard. C'était en 1934. Poussée par des copines qui l'accompagnent dans la rue, quand elle joue des claquettes pour gagner un peu d'argent, elle s'inscrit à un concours de l'Opéra House de Harlem. Prise de panique, elle n'arrive pas à danser, mais à chanter. Elle n'a que 16 ans et s'aperçoit qu'elle veut chanter et rien d'autre. Sa vie sera tout pour et par la musique. Elle deviendra l'une des plus grandes interprètes du jazz. Elle, c'est Ella Fitzgerald. Née en avril 1917, il y a presque un siècle, 2 ans après Billie Holiday, 7 ans avant Sarah Vaughan. En 1981, France Culture lui consacrait une série en 8 épisodes dans l'émission Semaine Titre. À écouter tout de suite, première émission diffusée le 28 décembre 1981, les premiers enregistrements d'Ella Fitzgerald, 1936-1938. Voyage en musique, dans la vie et l'œuvre de la diva du jazz. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Peter. Oh, it's hot. You know, there's so many people who love music, all kind of music, and I love music. You love all kind of music? Hmm? I love classic music. Now that's one type. And then, of course, you've got the people who love good old Dixieland music. Thank you. Now there's so many people nowadays who's fond of what we call the guitars. Everybody you see has a guitar. And they like to play country and western. Hey, swing your butt around and around and a hoo ba da da da. Ha ha, get your round and around and around. One of the greatest bands in the world, ladies and gentlemen. When it comes to swing, oh, good gracious, they swing you into bad health. And you know who I'm talking about. None other than Count Basie! Get him, Count! Ah, get it! J'aime tous les genres de musique, vient de dire Ella Fitzgerald en les exécutant avec un humour, une joie simple et profonde et une authentique passion de la musique qui vont lui valoir par exemple de n'être absolument pas cité dans la récente histoire du jazz de James Lincoln Collier. La stupidité des catégories frappe encore apparemment, les victimes sont nombreuses et si on se désintéresse de leur sort, c'est qu'elles sont généralement anonymes. Dans le cas d'Ella, ça devient carrément insupportable, et d'autant plus que Duke Ellington lui-même dira d'elle que l'approche décloisonnée qu'elle fait des différents genres musicaux ressemble fort à ce que pourrait être le jazz total. Ella Fitzgerald, c'est l'exploratrice la plus courageuse de plus de 40 années d'histoire de la musique américaine, 40 années dont elle va vivre à fond chaque détail, chaque envolée, chaque faux pas aussi, en acceptant les succès et les revers, avec la même indéfectible sagesse et le même légendaire humour. Elle est née en Virginie en 1918, 1 an après la mort de Scott Joplin, alors que le ragtime et ce qu'on appelle déjà le jazz intrigue les musiciens européens et que l'Amérique se fait le porte-drapeau du progrès. Ladies and gentlemen, I am privileged to say a few words to you in this most modern and novel manner. Privileged because it's the first living Vitaphone announcement ever made announcing the coming of one of the year's outstanding pictures. What is the picture? Well, of course, you've guessed that I'm referring to Warner Brothers' supreme triumph, Al Jolson in The Jazz Singer. Now, you are not only going to have the opportunity of seeing Mr. Jolson, but through this marvelous invention, Vitaphone, you are also going to be able to hear him talk as well as sing. And, oh, mammy, how that bird can warble. And now I'm not going to take up any more of your time. Good night. Blue jays, they say, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. You like that, Mama? Yes. I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know of. Mama, darling, if I'm a success in this show, well, we're going to move from here. Oh, yes, we're going to move up in the Bronx. A lot of nice green grass up there, and a whole lot of people you know. There's the Ginsbergs, and the Guttenbergs, and the Goldbergs. Oh, a whole lot of birds. I don't know them all. And I'm going to buy you a nice black silk dress, Mama. You see, Mrs. Friedman, the butcher's wife, she'll be jealous of you. Oh, no. Yes, she will. You see if she isn't. And I'm going to get you a nice pink dress that'll go with your brown eyes. What do you mean, no? Who is telling you? What do you mean, no? Yes, you'll wear pink or else. Or else you wear pink. And darling, Mama, listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. Le premier film parlant qui sort sur les écrans en 1927 met en scène un chanteur de jazz, Al Jolson. C'est aussi la première musique que le public ébahi entend sortir de la bouche d'une image. Et pour être bien connu de la communauté noire américaine, cette musique s'adresse pour la première fois à une audience aussi large de blancs. Une nouvelle ère s'ouvre pour le cinéma, mais aussi pour le jazz. Ella Fitzgerald a alors 11 ans, elle habite New York et veut devenir danseuse. Les disques de Bessie Smith ne touchent presque qu'exclusivement à cette époque le public noir. Nous sommes à la charnière de l'époque où le jazz, ennobli aux yeux de l'Amérique blanche par l'intérêt que lui porte la bonne société européenne, va commencer à pénétrer dans les milieux blancs de la côte est des États-Unis. My heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Au début des années 30, l'activité musicale est intense à Harlem. Ella Fitzgerald habite à Yonkers, sur la rive est de l'Hudson, au nord de New York, tout près d'Harlem, où elle va souvent danser et même chanter. Une nuit, dit Ella, j'ai été engagée au théâtre Lafayette pour danser, et à la dernière minute, j'ai décidé de chanter. J'avais choisi une chanson qui s'appelait « Perdu dans le brouillard », mais comme le pianiste ne connaissait pas l'accompagnement, c'est moi qui me suis senti tout d'un coup perdu. On m'a jeté dehors. En 1934, elle fait des interventions brèves dans l'orchestre de Chick Webb, qui se produit au Savoy de Harlem. En 1935, elle enregistre avec Chick Webb son premier disque. Idole du public noir d'alors, la formation de Chick Webb va pulvériser tous les records de vente de disques s'adressant au ghetto noir. 19 et 20 février 1936, You Hit the Spot, Ella Fitzgerald, Chick Webb à New York. balmy breeze on a night in May. You hit the spot like a cool mint julep on a summery day. You hit a new high in my estimation. I had to fall, 'cause you've got so much on the wall. Oh, you hit the spot like the first embrace when the night is done. You hit the spot like a pipe and slippers by a fireside. Matter of factly, don't know exactly what is it that you've got, but ooh, you hit the spot. La voix d'Ella Fitzgerald, très proche de celle de Connie Boswell, dont elle revendique l'influence, va être intégrée totalement à l'ensemble de sonorités prodigieuses de l'orchestre de Webb et apporter à son swing délirant un complément inégalable. Ella donne la chair de poule au public noir qui l'écoute au Savoy de Harlem, même si ses interventions ne dépassent pas les 40 secondes. C'est l'instrument le plus en vue de ce chatoyant amalgame de sonorités, et très vite, c'est comme un instrument soliste qu'elle interviendra dans l'orchestre. Novembre 1936, Shine. Thank you. 'cause my hair is curly, oh so curly, 'cause my teeth are pearly, oh so pearly, just because I always wear a smile, oh baby, and try to dress up in the latest style, I mean the latest style, 'cause I'm glad I'm living. Take trouble smiling, never whine, oh whine, 'cause my color's shady and it's slightly different, maybe that's why they call me shine. Les réticences que Webb avait eues à engager une chanteuse dans son octuor s'estompent vite devant le succès qu'Ella remporte au Savoy à chacune de ses interventions. Et la qualité de swing qu'elle acquiert petit à petit est loin d'être étrangère aux conseils que lui prodigue sans arrêt Chick Webb. Darktown Chatter Ball, 19 novembre 1936, New York. Get you in a taxi, honey, better be ready about half past eight. I mean, don't be late, be there when the band starts playing. Remember when you get there, honey, dance all over the floor, dance all over my shoes, when the band plays the Jelly Roll Blues. Say tomorrow night at the Downtown Shadows Hall. Dance all over my shoes. when the band played the Jelly Roll Blues. Say tomorrow night, the dark clock settles for. En 1937, Ella est le principal instrumentiste de l'octuor de Chick Webb. On la voit arriver sur la scène du Savoy en robe longue avec des chaussures argentées et prendre la première place dans les interventions solistes. Traitant sa voix comme un véritable instrument, elle transforme les paroles des chansons et ajoute des onomatopées sur lesquelles elle grève des vocalises, jusqu'alors jamais entreprises. By Mir Beast Duschen est à ma connaissance la première chanson où on trouve la présence de ces onomatopées qu'on lui reprochera beaucoup après. À écouter comme un instrument, New York, 21 décembre 1937. Of all the boys I've known some. Until I first met you, I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you. Deserve expressions that really fit you. And so I racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By mere Mr. Shane, please let me explain. By mere Mr. Shane means that you're grand. By mere Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere Mr. Shane. So kiss me and say you understand. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. So kiss me and say you understand. Explain by me, Mr. Shane means that you're grand. On considère généralement ces années comme les années de formation d'Ella Fitzgerald. La seule audition de Just a Simple Melody, chef-d'œuvre incontestable du swing, nous convainc qu'Ella n'a plus grand-chose à apprendre. Elle est déjà unique dès le 27 octobre 1937. Thank you. It's just a simple melody designed to haunt your memory. It's bound to get you instantly. Oh, it doesn't help you to beware before you even know it's there. You're swaying to its catchy air, dancing with your favorite thrill. He will hold you closer still, and suddenly you'll both agree that dancing can be heavenly to just a simple melody. Manquer de rapprocher le grain de cette voix de celui de Billie Holiday à la même époque. Mais alors qu'Ella s'envole déjà et décrit des tourbillons étourdissants, Billie explore l'immobilisme et oppose à l'hallucinant, l'hypnotique, deux moyens pour arriver au même résultat, l'ensorcellement total. I didn't get my Dixie draw, a drinking out of a Dixie cup. Yes, sir, I'm strictly from Dixie. And when I say I loves you all, it's meant to be on the up and up. Yes, sir, I'm strictly from Dixie. When I came up from the south, I felt so down in the mouth. Then I took one look at you and thought about Dixie, skies of blue. I thought about sweet magnolias too. I never missed a cotton ball. I like my tulips a trifle tall. Yes, sir, I'm strictly from Dixie. It's meant to be on the up and up. Yeah, yeah, yeah, yes, sir. I'm strictly from Dixie. When I came up from the south, I felt so down in the mouth. Then I took one look at you and thought about Dixie, skies of blue. I thought about sweet magnolias too. I never missed a cotton ball. I like my tulips a trifle tall. Yes, sir, I'm strictly from Dixie. Good old Dixie. Le public de la communauté noire d'Harlem est à la recherche d'une nouvelle chanteuse à vénérer. Après Ma Rainey, Bessie Smith, Ida Cox, c'est vers Ella Fitzgerald et Billie Holiday qu'ils vont se tourner. Dès 1938, Ella va devenir définitivement le soleil musical du monde noir avec une chanson dont le succès ne se démentira jamais, A Ticket to Tasket. Chick Webb, Ella Fitzgerald, mai 1938. Tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Tasket. I lost my yellow basket, and if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. So do we, so do we, so do we, so do we, so do we. Oh gee, I wish that little girl I could see. So do we, so do we, so do we, so do we, so do we. Lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again? Was it green? No, no, no, no. Was it red? No, no, no, no. Was it blue? No, no, no, no. Just a little yellow basket. Plus de 30 années après, Ella Fitzgerald ouvrira son concert à Carnegie Hall avec cette chanson qui l'avait rendue célèbre et dont elle introduit partout des lambeaux quand sa mémoire lui fait défaut. Carnegie Hall 1973, humour, dérision et un grain de folie. A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue with not a single thing to do. She went a peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. A tasket, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh gee, I wonder where my basket can be. Have you seen it over there? That itty bitty basket was a joy of mine. basket. I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket? Make me happy again, again. No, no, no, no. No, no, no, no. Retour à 1938 avec deux chansons. Dans la première, une seule phrase pour Ella, mais une phrase où se trouve toute l'âme noire, dans une tessiture et une diction où on décèlera des traces de Marenay. Dans Wacky Dust, la deuxième, une phrase aussi, avec une tentative incertaine pour sortir du schéma précédent. Et on peut déjà voir se profiler dans cette chanson une diction et un grain de voix plus personnel. Dans le ghetto noir d'Harlem, en trois années, Ella Fitzgerald venait de naître au jazz. Your sins and go to the devil in Hades. You meet the finest of gentlemen and the finest of ladies. They'd rather be down below than up above. Hades is full of thousands of Joneses and Browns, the Holy Hands, Cohens and Bradys. You'll hear a heavenly tune that went to the devil because the jazz bands, they started picking it, then put a trick in it, a jazzy kick in it. They've got a couple of old reformers in heaven, making them go to bed at 11. Pack up your sins and go to the devil, and you never have to go to bed at all. Thank you. call it wacky dust. It's from a hot cornet. It gives your feet a feeling so breezy, and oh, it's so easy to get. They call it wacky dust. It brings a dancing jazz. And when it starts, then only a sap will refuse to Big Apple or Shag. Though I don't know just why it gets you so high, putting a buzz in your heart. You'll do a marathon, you'll wanna go on, kicking the ceiling apart. They call it wacky dust. It's something you can't trust. And in the end, the rhythm will stop. When it does, then you'll drop from happy wacky dust. Inclassable Ella 1, les premiers enregistrements d'Ella Fitzgerald, 1936-1938, sur France Culture dans l'émission Semaine Titre. Une série en 8 épisodes dont vous venez d'écouter la première émission, diffusée le 28 décembre 1981. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.